Bon, Jean, je vous trouve à propos. Je suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde et que je me suis devant vous chargé de cette affaire. Pour moi, je ne sais le point. Je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur. Il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vous engager dans cette voie et à vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez. Mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie. Et je n'ai plus d'autre pensée que de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités et de corriger désormais par une austère conduite tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessein, Don Juan, ne choque pas ce que je dis. Et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Ce point du tout, c'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Et nous avons été touchés tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Je vous assure que cela ne se peut. J'en avais quant à moi toutes les envies du monde et me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Mais quand je l'ai consultée, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur et qu'avec elle, assurément, je ne ferai point mon salut. Croyez-vous, Don Juan, nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi, vous voulez que je me paie de semblables discours? C'est le ciel qui le veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite. Le ciel l'ordonne de la sorte. Nous souffrirons cette insulte en notre famille. Prenez-vous-en au ciel. Et quoi, toujours le ciel? Le ciel le souhaite comme cela. Il suffit, Don Juan, je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux vous prendre. Et le lieu ne souffre pas, mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de cœur et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans la petite rue qui mène au grand couvent, mais je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui me veux battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons, de vrai, nous verrons.